Paroles de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bienvenue dans Paroles de comptoir. Dans cette émission, nous discutons autour d'un sujet sociétal à travers trois questions. Une question philosophique, une question sociologique et une question juridique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école, de l'éducation. Est-ce que l'école est un outil d'émancipation sociale? Il faut savoir que l'école est censée permettre l'ascenseur social et permettre à tout le monde, par le mérite, de sortir de sa condition sociale dans laquelle l'enfant est né. Donc, pour introduire le sujet, je vais vous lire l'article L111-1 du Code de l'éducation qui prévoit que l'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales. En matière de réussite scolaire et éducative, il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation, donc inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit à la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Donc, c'est une priorité nationale, selon les dispositions législatives. Pour discuter de ce sujet, j'ai invité trois personnes. Donc, Léa, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis CPE dans un collège en Moselle depuis 2 ans maintenant. Avant cela, j'étais dans un lycée polyvalent dans l'Aube. Et encore avant cela, j'étais assistante d'éducation dans un lycée général et technologique et dans un lycée agricole. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier exactement ? Donc mon rôle, c'est d'accompagner les élèves au quotidien, dans leur scolarité, mais aussi dans leur vie sociale et citoyenne, si je puis dire. J'assure le suivi des absences, des retards, le suivi aussi au niveau des notes. Et puis, je fais aussi le lien avec les familles, les enseignants, et puis de la médiation aussi avec d'autres élèves. Tu te sens donc utile dans le parcours scolaire d'un enfant ? Oui. Tu sens que tu as un impact vraiment, que tu peux, entre guillemets, le remettre dans le bon chemin si jamais il s'écarte ? Ça dépend des élèves, je dirais. Ouais. Il y en a sur qui on a plus d'impact que d'autres, ouais. Je pense. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles à saisir. Ouais. Mais en tout cas, j'essaye. Voilà, d'accord. Le plus possible de les aider et de les accompagner. D'accord. Alors, nous accueillons également Chloé. Je te laisse te présenter. Bonjour, du coup moi c'est Chloé, je suis chargée de développement dans une école de commerce depuis 2 ans. Quel est ton rôle exactement ? Alors, j'effectue l'ensemble des intégrations au sein de l'école. Donc j'évalue avec l'élève son projet professionnel, en gros quel métier il veut faire ou vers quel domaine il veut s'orienter. Et également, je l'accompagne dans sa recherche d'alternance. D'accord, comme Léa, est-ce que tu te sens vraiment concernée dans le parcours scolaire de tes étudiants que tu accompagnes ? Est-ce que sans toi, ça serait beaucoup plus difficile pour eux de trouver une alternance ou de se préparer à des éventuels entretiens, etc. Alors, tout à fait. En fait, je les accompagne aussi, notamment au niveau de la gestion du stress, parce que l'alternance, ça joue beaucoup dans leur, scolarité, parce que sans alternance, ils ne peuvent pas accéder aux études supérieures. Ouais. Et est-ce que tu sens quand même qu'ils comptent beaucoup sur toi dans leur parcours ? Oui. T'es un référent. Oui, et parfois c'est même difficile à prendre du recul parce qu'on est forcément dans l'accompagnement quotidien. D'accord. Nous accueillons également Sarah. Sarah, je te laisse te présenter. Moi, c'est Sarah. Je suis professeure d'EPS au collège depuis 6 ans à peu près. J'ai vu plusieurs situations. J'ai été remplaçante, j'ai été dans un collège dans plusieurs départements différents et... Est-ce que c'est une vocation, professeur, ou pour toi ? Je dirais pas forcément que c'est une vocation, mais j'ai toujours été passionnée par le sport et j'ai fait des études qui m'ont menée à des trajectoires et le métier de prof de PS faisait partie de ces possibilités et j'y ai été amenée naturellement en fait et c'est un métier que je découvre au fur et à mesure et que j'apprends à beaucoup aimer. Et est-ce que tu aimes le rôle que représente le professeur pour les élèves dans leur construction pour leur avenir professionnel? Est-ce que tu essayes de les inspirer pour plus tard, peut-être qu'ils s'orientent vers le sport ou tout ça? Alors, j'essaye pas forcément de les orienter vers le sport, mais je trouve que la beauté de mon métier, c'est de transmettre ma passion et surtout de leur faire donner goût à la pratique. Que ce soit c'est pas forcément des publics qui sont tous attirés par cette discipline. Et moi, ma fierté, c'est de leur permettre de trouver du plaisir à pratiquer, surtout vu les conditions actuelles où on a beaucoup de problèmes de santé liés à l'inactivité. J'essaye vraiment de leur faire trouver du plaisir à pratiquer n'importe quelle activité, trouver la leur, trouver leur plaisir. D'accord. Alors, ça me permet de passer donc à la première question, donc la question philosophique. Donc, la question générale, c'est: peut-on se libérer par le savoir, par le diplôme? Donc, nous allons discuter de l'école. Est-il un lieu de structure, de son identité? Est-ce que c'est un lieu de rencontre pour se dépasser? Selon vous, est-ce que une fois qu'on va à l'école, vraiment, ça permet à l'individu, donc à l'enfant, de se constituer une identité? Quel est le rôle de l'école pour l'individu, pour se forger une identité? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, je pense qu'effectivement, le savoir a un certain potentiel libérateur, on va dire, puisque ça forme l'esprit critique, ça permet de comprendre le monde, comment la société fonctionne aussi. Et par contre, le diplôme, je pense qu'il faut aussi... un petit peu c'est un petit peu contradictoire, ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut un peu s'en détacher, dans le sens où il y a d'autres voies possibles, il y a d'autres façons, en tout cas, de construire son parcours et son esprit qu'en ayant un diplôme. Et ça peut parfois peut-être être un petit peu réducteur, le diplôme, parce que ça hiérarchise un petit peu les individus les uns entre les autres. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, le savoir forme l'esprit critique et donc c'est forcément libérateur. Donc pour toi, l'école contribue quand même à forger l'identité de quelqu'un? C'est pas que ça, mais ça... Est-ce que c'est une obligation pour l'école de le faire? Oui. Ah oui? Oui, oui. Et il faut que chacun puisse pouvoir... penser de sa propre façon. Voilà, il faut pas être influencé et influencer les élèves dans leur façon de penser. C'est pour ça qu'on doit avoir une certaine neutralité, nous, en tant que éducateurs, entre guillemets, politiques, religieuses, etc., vis-à-vis d'eux. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que c'est respecté? Oui. Enfin, en tout cas, dans l'établissement où je suis, oui. Ouais. Je sais pas si c'est le cas dans tous les établissements. Mais moi, je suis dans un établissement public, gratuit. Voilà. Donc, nous, en tout cas, dans le collège où je suis, oui. Donc, tu trouves que l'esprit critique est quand même favorisé pour chaque individu, pour les collégiens, entre guillemets? Est-ce qu'on forme à ça? Parce que moi, je m'en souviens qu'on ne formait pas forcément trop à l'esprit critique quand j'étais au collège-lycée. Peut-être un peu plus au lycée. En collège, on a quand même de l'EMI, donc de l'éducation aux médias et à l'information, donc qui a justement pour but de former cet esprit critique-là. Et puis après, ça passe aussi par les rédactions, les dissertations, les écritures d'invention, les choses comme ça. C'est ce qui forme aussi l'esprit, l'imagination, et puis qui permet un petit peu de s'émanciper de la pensée de ses parents. Parce que, c'est surtout ça. Voilà, mes parents pensent comme ça, donc je pense comme... Ouais, c'est sûr. Et est-ce que vous trouvez que, justement, l'école permet donc la confrontation de différentes identités et permet justement à l'autre de se poser des questions? Vous voyez, par exemple, toi, Sarah, quand tu as une classe de collégiens, j'imagine que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne vient pas de la même classe sociale, etc. Est-ce que... tu trouves que l'école permet cette harmonie? Enfin, une harmonie. Une mixité plutôt. Oui, moi je trouve que c'est formidable pour ça, l'école, c'est que vraiment il y a un mélange de beaucoup de milieux. Et ça permet aux élèves de se rendre compte que tout le monde ne fait pas comme chez soi, en fait, qu'il y a des différences qui existent partout. Mais des fois, ça peut être un petit peu violent, je pense, pour certains élèves, les différences. Moi, par exemple, je venais d'une toute petite école primaire. Et quand je suis arrivée au collège, un gros collège, forcément, je me rends compte que tout le monde n'est pas forcément bienveillant, que tout le monde n'a pas ma manière de penser. Et pas libérateur, mais ça permet de forger dans la société. C'est un passage, je pense, un peu obligé, mais je pense qu'il peut être aussi violent pour des gens qui ne sont pas forcément accompagnés ou qui sont peut-être un petit peu plus fragiles, d'autant plus que y a certains collèges qui sont très chargés, avec des classes très chargées, et on ne peut pas forcément être derrière tous les élèves et leur permettre de leur apprendre, justement, mais en plus en douceur, quoi. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les conditions actuelles, c'est peut-être compliqué d'assurer ce bon accompagnement pour chaque individu, pour chaque collégien ou lycéenne ou étudiant. Je pense que c'est vraiment dur aujourd'hui d'assurer ce suivi. Mais je reviens sur le diplôme. Parce que souvent on dit qu'aujourd'hui il faut un diplôme pour pouvoir trouver un travail. Est-ce que toi par exemple, Chloé, tu ressens chez les étudiants ce stress de devoir trouver une alternance et devoir trouver pour assurer donc la possibilité de rentrer en école, parce que sinon je vais pas être diplômée et donc entre guillemets je vais rater ma vie parce que je n'ai pas trouvé d'alternance? Alors le stress, évidemment, ils l'ont, mais là j'ai aussi ce devoir aussi de leur expliquer qu'un diplôme c'est très bien, mais il faut la bonne expérience à côté, donc la bonne alternance. Et c'est là où je les accompagne sur réellement ce qu'ils ont envie de faire en alternance pour faire valoir leur diplôme. Par exemple, un master sans alternance, c'est compliqué. Ah oui? Oui. Parce que c'est vrai qu'avant, il y a plusieurs années, l'alternance n'était pas forcément bien vue. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus mise en avant. Même en droit, je sais qu'à l'époque, parce que moi j'ai fait un cursus de droit, à l'époque, faire une alternance en droit, c'était pas forcément bien vu. On restait beaucoup dans la théorie, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'alternance est vraiment mise en avant. Est-ce que tu ressens ça également? Ça s'est vachement démocratisé, déjà, parce que ça permet à un grand nombre d'étudiants d'accéder aux études supérieures. Et l'alternance par rapport à un stage, c'est largement valorisé sur un CV. Plus que le diplôme en tant que tel ou pas? Plus qu'un diplôme. Oui. Parce que maintenant, il y a énormément de diplômes. Oui. Et c'est vraiment... le nom de l'entreprise peut-être, le domaine aussi, des domaines spécifiques. Par exemple, quand on a été responsable commercial dans le BTP, par exemple, on est pratiquement sûr d'avoir un emploi à l'issue du master. Oui. C'est tellement technique. Peu importe le diplôme. Et est-ce que selon vous, aujourd'hui, une fois sorti, donc souvent la majorité des personnes ont un bac, est-ce que selon vous, on peut réussir sans diplôme? Dans notre société aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que, par exemple, j'ai eu une rencontre de quelqu'un qui a 35 ans, qui a peut-être 10 ans d'expérience en tant que commercial, qui veut passer responsable, mais le diplôme du master est obligatoire. Oui, bachelor ou master. Donc, il se voit contraint de retourner sur les bancs de l'école alors qu'il n'a pas forcément envie. Et surtout, il n'a pas forcément envie de baisser en rémunération. Oui. Parce que projet à côté, etc., d'achat de maison, par exemple. Donc maintenant, le diplôme, c'est vraiment une exigence pour chaque étudiant, j'imagine. Est-ce que, Léa, toi qui es au niveau collège, c'est ça? Est-ce que tu sens que des fois, c'est une préoccupation pour les collégiens, dès le collège? De se dire, il faut que j'ai ce diplôme, il faut que j'ai le brevet pour que ça me définisse Alors, le brevet, c'est pas obligatoire. En tout cas, ça, je ne savais pas. D'accord. Et moi non plus, je ne le savais pas quand je suis arrivée au collège en tant que CPE. Mais ce n'est pas obligatoire. Enfin, ça ne l'était pas. C'est censé le devenir très bientôt. Donc, on les inscrit tous au brevet. Oui. Alors, on ne leur dit pas que ce n'est pas obligatoire. Voilà, pour qu'ils en aient. Après, le diplôme du brevet en soi, ce n'est pas une fin en soi de ne pas l'avoir, puisque ça ne permet pas, en tout cas... À l'heure actuelle, ça n'empêche pas d'aller au lycée et d'obtenir le bac par la suite. Mais évidemment qu'on les prépare quand même à travers le brevet à passer le diplôme du bac, puisque c'est déjà un premier diplôme passer, même si c'est plus facile, c'est à plus petite échelle évidemment, mais maintenant il y a quand même un oral au brevet, une grosse partie d'oral qu'il n'y avait pas avant, enfin en tout cas pas comme ça. Et puis il y a du contrôle continu et c'est plus stressant à la rigueur. Et des épreuves finales, voilà, comme en fait comme pour le bac. Ouais. Est-ce que ça les stresse ? Est-ce qu'ils se disent si je n'y arrive pas, ma carrière entre guillemets est fichue ? Est-ce qu'ils ont ce stress du diplôme ? Ça dépend des élèves. Ouais. Ça dépend beaucoup des élèves. Il y en a qui sont très stressés, qui jouent leur vie en allant passer le brevet. Ouais. D'autres pas du tout qui sont déjà persuadés de l'avoir avant même d'avoir les épreuves finales. Puisque pour eux, c'est rien et c'est impossible de ne pas avoir le brevet. Mais je pense que ça dépend vraiment des élèves. Et il y en a qui ont vraiment à cœur de réussir leur brevet et d'avoir une mention, etc. D'autres qui... Voilà, ceux qui ont plus de mal avec l'école, C'est pas une priorité. Non. Est-ce que ça peut le devenir plus tard, au lycée ou... C'est ce que je voulais te dire, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas encore la maturité et la conscience de... Ça peut se rattraper. ...des enjeux qu'il y a derrière. Voilà, on essaye de leur faire prendre conscience, voilà. Mais c'est tellement loin pour eux que, voilà, on leur demande déjà de choisir une orientation pour un éventuel futur métier. C'est vrai que c'est compliqué, ça. En étant au collège, c'est trop... Enfin, c'est... Pour moi, c'est très jeune. Ouais, c'est très jeune. Puis je pense que, pareil, choisir... Dès la troisième, s'orienter vers un CFA ou vers un bac général ou tout ça, je pense que c'est compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment faire. Enfin, je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir. Je ne sais pas si toi, Sarah, des fois, tes élèves expriment ce qu'ils souhaitent faire. Est-ce que, sachant qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être mal vu de faire un lycée pro ou tout ça, je ne sais pas. Y en a très peu qui savent réellement ce qu'ils veulent faire, même dans les études. Ils ne savent même pas dans quelle étude s'orienter. Et effectivement, c'est encore un peu délicat d'aller en troisième prépa métier ou ce genre de choses. C'est tout de suite un peu connoté, malheureusement. Et puis ceux qui savent qu'ils veulent aller vers ce domaine-là, en général, c'est ceux dont les parents sont issus de ce milieu, quoi. Oui. Et y en a très peu qui changent. Qui savent ce qu'ils veulent faire ou aller dans des lycées spécialisés. Dans des lycées spécialisés, Oui, c'est sûr. Mmh. Et est-ce que toi, tu ressens par exemple, il y a le brevet en sport ? Non. Ah, c'est délaissé. C'est ça. C'est un peu. C'est problématique ça. Problématique, ça dépend de la manière dont tu vois les choses, mais effectivement, il y a une hiérarchie même dans les. Entre les matières. Ouais, c'est ça. Et le brevet, il y a des matières scientifiques et il y a les matières nobles, maths, français, histoire. D'accord. Et le sport, c'est pas compris dans le contrôle continu ? Non. Si, c'est dans la moyenne générale. D'accord. Oui, c'est dans la moyenne générale. Donc maintenant, on va en tenir compte quand même maintenant. Non, même avant, c'était le cas. Oui. Mais maintenant, le contrôle continu baisse un petit peu en termes c'est de. C'est 40 et 60 pour les épreuves. Ouais, 40% et 60%. Donc oui. Donc, tu sens que tes élèves, ils sont un peu moins... est-ce qu'ils se sentent moins concernés par ta matière, vu que c'est moins... c'est moins... Et ça compte moins dans l'évaluation du brevet, ou pas ? Non, déjà, le brevet, ça concerne que les troisièmes. Oui, c'est vrai. Les autres niveaux, c'est pareil, quoi, ouais. Les matières. Et en fait, ils sont très préoccupés par les notes. Ouais. Peu importe les matières, peu importe les coefficients, ils sont hyper préoccupés par ça. C'est vraiment ce qui les définit, quoi. C'est la note. Ah oui, c'est la note. Ouais. Ouais. Est-ce que toi aussi, Chloé, à l'échelle des étudiants, ils te font part, par exemple, de leurs des mauvaises notes qu'ils pourraient avoir, comme quoi ils ont peur de perdre leur alternance s'ils ont des mauvaises notes ou pas ? Alors, c'est plus les codes de l'entreprise, en fait, qu'ils apprennent. Oui. Et ils sont souvent un peu apeurés à l'idée de rentrer dans le domaine professionnel. Donc, c'est plus ça leur préoccupation. C'est ça. C'est pour ça qu'on leur donne, dès la rentrée, nous, des cours de posture professionnelle, comment gérer le temps de travail. Ouais. À notre échelle, bien sûr, on essaye de les éduquer s'ils n'ont pas eu de leurs parents, par exemple. Mais pour revenir sur ce que tu disais, souvent, les élèves qui viennent pour un projet de BTS, par exemple, quelqu'un qui vient d'STMG me dit « je veux faire tel BTS parce que mes profs m'ont dit de faire ce BTS-là ». Oui, c'est vrai. Moi, je lui dis, prenez un peu de recul, vous n'écoutez pas vos profs, vous n'écoutez pas vos parents. Vous, réellement, qu'est-ce que vous avez envie de faire demain ? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer ? C'est quoi votre passion ? Et souvent, les langues se délient un petit peu. Et voilà, on construit au fur et à mesure leur projet. Et surtout, quelqu'un qui a un projet très abouti, je sais pas, je veux ouvrir mon commerce, par exemple. Qui a vraiment un projet très très défini, je lui dis bah écoutez, laissez-vous porter par vos études, laissez-vous vous accompagner, laissez-vous porter aussi par votre réseau, vos camarades qui sont dans votre classe, vous n'êtes pas à l'abri de vous découvrir une autre voie, par exemple. Oui, une autre voie, ou même de faire le BTS et après aller vers une autre voie, peut-être rejoindre une licence pro, puis après déboucher sur un master. C'est ça. En fait, faut pas se limiter. Donc voilà, mais ça commence à se décanter. C'est vrai qu'il faut savoir que j'avais vu qu'il y a 30% quand même des Français qui ont un master, je crois, c'est une personne sur trois, donc c'est quand même beaucoup aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diplômés et au final, qui ne s'insèrent pas forcément professionnellement dans leur voie qu'ils ont choisie. Et donc aujourd'hui, il faut quand même, à mon sens, c'est mon avis, se distinguer en dehors de son diplôme. Donc voilà, le diplôme ne fait pas tout. Mais maintenant, on va passer à la question sociologique. Donc la question générale, c'est l'école reproduit-elle ou corrige-t-elle les inégalités sociales ? Donc, est-ce que pour vous, vous ressentez l'école comme un outil de lutte contre les inégalités sociales ? Parce qu'il y a encore certaines personnes, certains sociologues qui considèrent que l'école, en fait, c'est... Au contraire, ça ne permet pas l'ascenseur social, ça encourage, limite, les inégalités sociales. J'attends vos avis. Qui veut commencer ? Moi, je pense que... Aujourd'hui, hein, si je suis très honnête, je pense que l'école reproduit beaucoup plus les inégalités qu'elle ne les corrige. Ouais. Puisque un enfant qui a grandi avec des parents qui ont les codes, entre guillemets, pour réussir à l'école... Donc, qui peuvent l'accompagner, lui faire découvrir des choses, des activités à l'extérieur, l'emmener au musée, au cinéma, à l'opéra, au théâtre ou je ne sais quoi. Cet enfant-là aura déjà un avantage énorme sur un autre élève qui n'a pas eu cet accès à la culture, par exemple. Donc, il aura ce capital culturel, en fait, que les autres n'ont pas. Voilà, dont parlait Bourdieu, justement. Ouais. Voilà, on rentre. Donc, ça, c'est forcément ce bagage culturel-là. Vous le ressentez, vous ? Oui, moi-même. Ouais, au quotidien ? Oui. Ne serait-ce que les enfants de profs. Ouais, oui, c'est sûr. Enfin, voilà, la différence, elle est flagrante avec des enfants qui ont des parents qui sont au chômage ou qui n'ont pas été à l'école. Enfin, moi, je suis dans un... milieu rural. Ouais. Le collège est dans un milieu très rural et assez pauvre. Ouais. Donc, les inégalités, elles sont creusées de manière démesurée, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, il y a de la mixité, oui. Oui, mais ça tire... Est-ce que ça tire vers le haut, le fait de mélanger les différents niveaux, par exemple ? Oui. On est obligé de toute façon de mixer les classes avec en fonction de la parité filles-garçons et puis des résultats, etc. Mais c'est difficile pour un élève qui part entre guillemets de zéro de rattraper j'ai même pas envie de dire le retard qu'il a accumulé parce que c'est négatif, c'est pas du retard. Mais en tout cas, pour un élève qui a pris beaucoup d'avance avec déjà tous ses codes et ce bagage culturel qu'il a, c'est compliqué de rattraper. Et nous, à l'école, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens pour faire ça. C'est pour ça on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a une grosse différence entre égalité et équité. Ouais. Et pour moi, c'est compliqué de gommer ces inégalités-là. En tout cas, avec les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'actions pour corriger ces inégalités ou pour assurer un minimum l'équité ? Est-ce que toi, Sarah, par exemple, dans ton quotidien, t'essayes de peut-être... tu donnes plus d'intention à certains élèves pour les activer un peu plus ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui en ont plus besoin déjà ? Après, je pense que ça dépend vachement des matières. Moi, dans ma matière, c'est des inégalités qui sont peut-être un peu différentes que dans d'autres matières. Par exemple, c'est quel type d'inégalité ? C'est plus en termes de développement corporel. C'est pas parce que tu viens d'un milieu favorisé que t'as forcément plus appris à connaître ton corps ou ce genre de choses. Mais on voit quand même les inégalités, rien qu'en termes de comportement, en termes de d'attitude, d'attention, tout ça. De matériel. De matériel, complètement. Quand même. Ouais. Mais non, moi, je suis d'accord sur le fait que l'école reproduit les inégalités, ne les corrige pas. Et je pense que de base, en fait, l'école n'a pas été construite et inventée pour corriger les inégalités. Elle a été inventée juste pour permettre aux élèves d'accéder à la culture. Mais il y avait deux écoles différentes. Il y avait l'école des primaires et secondaires. Il y avait l'école pour les élites et l'école pour les pas élites. Mais elle n'a jamais, de base, été construite pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas pour ça? Eh ben non, moi, je pense qu'on a continué l'école qu'on avait avant. Ouais. En mettant quelques pansements pour essayer de corriger. Mais de base, vu que les savoirs sont hyper théoriques, hyper élitistes, et bah, tous les pansements qu'on met, c'est pour essayer d'amoindrir ces inégalités. Ouais. Mais c'est hyper difficile de les corriger parce que les moyens sont pas assez colossaux. Ouais. Et je pense qu'il faudrait des gros moyens. Il faudrait repenser l'école. Pour vraiment, De manière involontaire, enfin, c'est dans les mœurs, c'est comme ça, mais... En fait, l'école, elle valorise déjà les élèves qui sont issus de milieux favorisés. Encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. La classe de SECPA, par exemple, ça a encore une connotation négative, alors que ça ne devrait pas, en fait. Oui, c'est vrai. Même les lycées professionnels, je pense. Un petit peu, on y travaille, mais... Ouais. De moins en moins, quand même, je pense. Mais à notre époque... Ouais, c'est ça. Parce que... Alors, je sais pas, toi, Chloé, mais toi, tes étudiants, ils ont eu un bac général, STMG. Est-ce que déjà là, il y a une dissociation, en fait, après, dans, par exemple, par le recruteur? Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui sort bac STMG ou bac général? Pour rentrer dans l'école, il faut avoir un bac. Okay. Peu importe que ce soit un bac pro, un bac général. Mais justement, là où la tendance s'inverse, c'est quelqu'un qui a fait, par exemple, un bac STMG, aura plus de connaissances que quelqu'un qui vient d'un bac général. Oui, des connaissances techniques et commerciales. C'est des connaissances techniques, par exemple. Mais est-ce que ça, c'est valorisé auprès du recruteur? Ou alors le recruteur se dit, je préférerais quand même quelqu'un qui a fait un bac général, ou non? On ne fait pas de dissociation, pour le coup, de distinction. Vraiment, ouais, ça c'est bien, vous assurez, entre guillemets, On essaye, neutralité. En tout cas, on essaye. Et est-ce que tu sens, entre les différents étudiants, une fois sortis du bac, est-ce qu'ils se sentent inférieurs à ceux qui se présentent d'un bac général, ceux qui sortent d'une filière plus technique ou... Alors, un petit peu, et ça se voit dans le cours de culture générale et expression, où ils sont vraiment amenés à beaucoup de réflexions sur la philosophie, l'histoire, etc. Les personnes qui n'ont pas eu forcément accès à la culture, au début, se sentent un peu mises à l'écart, mais justement, en fait... nous, on avait une prof géniale qui, justement, mettait tout le monde sur le même pied d'égalité et les emmenait au musée, les emmenait à l'opéra, par exemple. Et ça permettait justement à ces personnes-là de s'ouvrir et se dire bah, « c'est aussi accessible à moi, en fait ». Comme quoi, finalement, c'est peut-être après le collège et le lycée qu'on peut plus sortir de sa classe sociale, peut-être. Bah, le problème, par exemple, qu'il y a au collège, c'est que... la carte scolaire déjà fait que... Oui, j'allais y venir, Voilà, tu vas dans ton établissement de secteur. Donc, si tu es dans un milieu rural défavorisé, ben, les trois quarts des gens autour de toi viennent de ce même milieu rural défavorisé. Donc, finalement, la carte scolaire, de base, c'était pour assurer la mixité, non? Oui. Et donc, au final, ça n'assure pas du tout? Ou un minima? Ça dépend des secteurs. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Je pense que dans les grandes villes, par exemple, ça peut l'assurer. Oui. Mais dans les petits villages reculés... ou les moyennes villes, pas nécessairement. Donc, je pense que plus tu grandis de toute façon et plus tu as le choix de là où tu veux aller, plus tu peux t'émanciper et te sortir un petit peu de ton carcan social. Mais là, quand tu es collégien, donc tu es mineur, tu n'as pas le permis, tu n'es pas véhiculé, tu vas là où tes parents, entre guillemets, veulent que tu ailles. Moi, même pour les choix de lycée, les élèves, font des choix par défaut, puisqu'on est tellement éloigné de tout. Les villes les plus proches, les grandes villes, donc je te parle de Metz et Nancy, c'est à une heure de là où je suis. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de bus. Peu. Ça dépend des villes, mais c'est pareil, il faut t'emmener dans une ville pour que tu prennes le train pour aller à Nancy ou à Metz, tu vois. Ouais. Et il y a des bus, mais des bus qui vont que dans certaines villes. Mais en fait, limite, il faudrait mettre en place un système de passer le permis dans les milieux ruraux. Mais encore une fois, c'est une question de budget, peut-être. Bah, le truc, c'est quand t'es collégien, tu peux pas. Oui, collégien, oui. Permis, mais lycéen peut-être. Lycéen. Mais quand t'es au collège et que tu vas dans le lycée, bah, tu prends ton lycée qui est le plus proche de chez toi, peu importe que ce soit un lycée général ou un lycée professionnel. Ah oui? Voilà, oui. Moi, j'en ai qui vont en lycée général. Ils veulent pas du tout aller en général, mais c'est la chose, c'est le lycée le plus proche de chez eux. Donc, ils vont là-bas. Et parce toi, qu'il y a un bus. Toi, tu leur conseilles comment? Parce que tu les conseilles? Oui, avec la psychologue de l'éducation nationale, on est quand même là pour les conseiller, leur dire qu'il ne faut pas faire de choix par défaut, mais par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, eux. Mais des fois, c'est une réalité qui est difficile à combattre. Et puis, il y a les parents derrière aussi. Ouais. Les parents disent, oui, mais moi, je ne pourrais pas l'emmener tous les matins au lycée, donc il faut qu'il aille dans ce lycée-là parce que le bus passe devant chez moi et l'emmène dans ce lycée. Ouais. Voilà. Et alors, pareil, on ne peut pas le mettre en internat parce qu'on n'a pas les moyens de le mettre en internat. Ouais. Donc, il ne peut pas aller dans ce lycée-là. Voilà, c'est la réalité. Même s'il y a des aides financières, etc., il y en a qui sont quand même, réduits à bloquer. Voilà, faire des choix par défaut. Ouais. Et est-ce que vous, enfin, comment dire, quand vous voyez ça, vous êtes fataliste ou vous tentez quand même de les tirer vers le haut? Je pense que c'est un peu dur d'aller à l'encontre des parents. Ouais, c'est vraiment, vous sentez quand même, j'allais dire l'omniprésence des parents. Bah, c'est eux qui auront le dernier mot, ouais. Donc, oui, c'est sûr. Moi, j'avais un exemple d'un gamin quand j'étais à Compiègne, là, qui était pas très bon dans les matières, classiques. Quoi, ouais. Mais il était très très bon en EPS, vraiment super bon. Et je voulais qu'il s'inscrive dans un club parce qu'en fait, il était en échec dans toutes les matières, mais en EPS, il était en réussite. Oui. J'avais envie de lui faire un peu expérimenter la réussite et qu'il s'inscrive dans un club et peut-être qu'il découvre une vocation, j'en sais rien. Là, il n'allait peut-être pas devenir champion, mais au moins... Une passion qui réveille quelque chose et qui permette derrière le nombre de personnes qui ne se sont pas retrouvées à l'école et que finalement, derrière, dans les études, ils ont trouvé quelque chose qui leur plaisait et qui sont investis et qui ont réussi grâce aux études. Parce que c'était dans leur passion, donc moi je voulais vraiment qu'ils s'inscrivent dans un club pour qu'ils expérimentent vraiment quelque chose où ils soient en réussite et qu'ils s'épanouissent la maman déjà elle voulait pas qu'il aille en UNSS donc le sport au collège les mercredis après-midi parce que c'était le seul moment où il pouvait travailler ses devoirs vu qu'il avait besoin de travailler ses devoirs parce qu'il avait un peu de retard au niveau scolaire. Et après, c'était l'histoire du lycée. Oui. Il ne pouvait pas s'inscrire au club qui était à une demi-heure parce que la maman, elle ne pouvait pas l'emmener. Et le lycée, il était dans l'autre ville, donc il ne pouvait pas aller dans le club. Donc le gamin a dit « je ne pourrais pas ». Et donc, ce gamin-là, je pense qu'il reste au lycée et il est en échec et c'est difficile pour lui. C'est une fatalité. Et je trouve ça hyper dur et hyper triste. Et ce n'est pas contre la maman. La maman, elle travaillait, elle était toute seule, elle avait trois enfants à s'occuper, elle ne pouvait pas l'emmener. Ouais. Et puis voilà quoi. Enfin, c'est des réalités où tu te confrontes. Oui, c'est des réalités sociales qui ne sont pas faciles en fait. Non. De toute façon, on ne peut pas tous les sauver. Non, mais ça doit être difficile C'est quand une même. Raison qu'il faut se faire. Ouais. C'est difficile au début, mais tu apprends à relativiser parce que sinon tu te tortures. Mais je pense que. Moi, je vais parler pour moi en tout cas. Je ne suis pas fataliste, j'ai quand même de l'espoir, sinon je ne ferais pas ce boulot-là. Voilà, si j'avais pas d'espoir d'en aider quelques-uns. Et puis après, c'est aussi de la méconnaissance chez certains parents. Donc, on est là aussi pour les informer et leur donner des connaissances qu'ils n'avaient pas avant sur les filières, sur la possibilité d'internat, les possibilités de financement sociaux, des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas non plus au courant informés, des aides financières qu'ils peuvent avoir. Et est-ce que chaque éducateur dans le système scolaire, selon toi, prend à cœur ce rôle-là ou il y en a qui sont qui sont un peu laissés à juste faire exécuter leur travail quotidien et c'est tout parce que c'est quand même une énergie à dépenser. Oui, je pense que il y a peut-être une certaine lassitude qui peut s'installer chez certains enseignants, même chez certains autres personnels d'établissement. Avec les années aussi. Ouais. Et puis, si tu restes tout le temps dans le même établissement, Aussi, c'est toujours les... tu te confrontes toujours au même problème, en fait, parce que tu ne changes pas d'établissement. Après, je pense qu'il y en a quand même qui... Enfin, moi, en tout cas, là où je suis, j'ai beaucoup de profs très impliqués, beaucoup de profs principaux qui sont hyper impliqués dans la réussite de leurs gamins, de comment ils se sentent en classe, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Il y a des super profs principaux de la 6e à la 3e, franchement, ils sont top. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe aussi assez complète. On a une infirmière, un assistant social, une psychologue de l'éducation nationale. Donc, on est quand même entouré. Tout un panel pour les aider au mieux. Et on se sent moins seul, du coup, face aux difficultés ou aux murs qu'on peut se prendre des fois. Oui. Parce que, par exemple, toi, Chloé, je sais que ça a pu être... Je sais que des fois, tu cherches beaucoup pour tes étudiants, parfois au-delà des horaires de travail, parce que ça te tient à cœur. Donc, c'est aussi toi qui le fais. Par exemple, est-ce que tout le monde est comme toi ou toi, c'est parce que tu es encore jeune et que tu veux vraiment réussir à... Ça te tient à cœur l'insertion de tes étudiants dont tu as charge? Alors, je ne vais pas parler au nom de tous les chargés de complètement. Bah, moi, ça me tient à cœur parce qu'il y a ce sentiment d'utilité d'intervenir vraiment dans l'évolution du jeune. Et c'est ce que je disais juste avant. Des fois, c'est obligatoire d'avoir cette prise de recul et de se dire, là, j'outrepasse ma fonction, en fait. Donc, pour moi, me protéger, je mets un petit peu de distance. Oui. Mais évidemment, quand y a un jeune qui m'appelle, qui a trouvé son alternance, évidemment, je me réjouis pour lui. Oui. Et est-ce que tu sens, toi, le rôle des parents derrière encore à cet âge-là? Oui. Ouais. Oui, parce que souvent, ils arrivent, ils ont 17-18 ans. Oui, donc c'est encore jeune. Mais j'aime bien faire les entretiens avec les parents. Ah oui? Pour justement les confronter et les rassurer sur le fait que nous, on va vraiment écouter en fait le jeune et surtout lui dire que là, c'est son destin en fait. Donc, ce sera à lui de faire ses propres choix. Donc, souvent, on a aussi cette volonté de pédagogie envers les parents, de se laisser un petit peu, se mettre à l'écart... de sa scolarité parce qu'il va devenir majeur au final. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler avec un parent au sujet d'un étudiant ou tout ça? Tout à fait. Souvent, ils ne sont pas forcément au courant de tout, de quelle est l'équipe pédagogique, qu'est-ce qu'on va faire pour lui, nos limites aussi, hein, parce qu'on, c'est ce que je dis, on est dans l'accompagnement, on n'a pas de baguette magique. Ouais. Il faut que le jeune soit aussi proactif dans sa recherche parce que on peut leur proposer plein d'entreprises. Si le jeune n'a pas la bonne attitude, en entretien, n'est pas préparé, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Oui. Après, vous avez quand même vous les formez quand même, On leur fait des préconisations. Des préconisations. Et après, vous continuez le suivi tout au long de l'alternance, etc. Ou c'est juste... Tout à fait. Et surtout pendant la première période, parce que le contrat d'alternance, c'est une période d'essai. Oui. Donc, c'est une période où il va être testé, pour le coup. Donc, c'est vraiment... Nous, on effectue des suivis, donc durant les 45 premiers jours du contrat, par exemple, pour... Alors, d'un côté, être garant que le jeune respecte bien les codes de l'entreprise, et de l'autre côté, pour voir s'il n'y a pas des abus aussi, parce qu'il y en a, malheureusement. Et est-ce que vous vérifiez aussi qu'il se rend bien au BTS, tout ça, pour... Parce qu'il n'y a pas une règle comme quoi, si on ne va pas si on va pas au BTS, après, on peut être viré ou je sais pas quoi, parce que c'est quand même du temps de travail. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, et ça, c'est votre rôle ou pas aussi de veiller à ça? De toute façon, passer un certain nombre d'absences, on ne peut pas les présenter à l'examen du BTS, car c'est un diplôme de l'éducation nationale. Ouais. Donc, le rectorat va regarder le dossier. S'il y a trop d'absences, nous, en tant que CFA, même avec toute la bonne volonté du monde, s'il y a trop d'absences, il y a trop d'absences. Oui. Et il y en a dans ton cas? Oui. Et si oui, est-ce que tu sens que c'est des personnes qui sont issues d'un tel milieu ou pas? Ou non, c'est... Pas forcément, mais c'est des personnes qui ne mesurent pas, en fait, l'importance d'être présent à l'école et en entreprise. Donc, nous, c'est aussi notre rôle de les recadrer aussi dans ces moments-là et de leur expliquer que nous, on va se dédouaner, en fait, si jamais ils sont trop absents. le BTS va leur passer sous le nez, par exemple. Oui, c'est important de revenir à ça. Et toi, Sarah, en tant que professeure, est-ce que tu te sens entourée ? Parce qu'on, Léa, elle, se sentait entourée, mais toi, en tant que professeure, face aux inégalités sociales que tu peux rencontrer ou à des moments où tu te dis, par exemple, tel élève, lui, il s'en sortira, l'autre, il a moins de chances, entre guillemets. Comment tu te sens face à ça ? Est-ce que tu essayes de trouver des mesures ? Est-ce que tu vas plus l'accompagner que d'autres ? Enfin, comment tu réagis face à ça ? Alors, je sais que je suis entourée. Ouais. Je sais qu'il y a des gens autour de moi, mais il faut que je les sollicite. Je pense que là-dessus, on n'est pas... Par exemple, la psychologue de l'éducation nationale, je ne sais pas. Je crois que maintenant, elle est aussi... Elle sert à l'orientation des élèves. En fait, c'était la conseillère d'orientation avant. C'était la COP. Oui. Et maintenant, ça s'appelle juste psychologue de l'éducation nationale. Mais ça, par exemple, je ne suis pas au courant. Ou alors, il faut que... Enfin, c'est à nous de faire les démarches, on va dire. Mais on ne vous informe pas de ça ? Pas trop. Oui, dans votre formation, est-ce que vous avez une formation face à ça ? À l'accompagnement des élèves ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais on n'a pas forcément... Enfin, on a dans notre matière. Oui. Gérer les inégalités au sein de la matière. D'accord, au sein de la matière. Mais pas dans le... Pas forcément en général. Au sein de l'école. Et je trouve que... Enfin, moi, personnellement, je me sens un peu perdue quand j'ai une grosse classe et que... Je vois que, en fait, je trouve qu'en fait, finalement, les élèves sont un peu laissés en autonomie. Et du coup, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont les codes. Ouais. Et ceux qui s'en sortent pas, c'est ceux qui n'ont pas les codes. Et donc, nous, on essaye de passer forcément plus de temps avec ceux qui n'ont pas les codes. Oui. Mais on ne peut pas corriger tout au sein de notre... vous ne pouvez pas, ce n'est pas suffisant de toute façon. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'école, elle peut reproduire un peu les inégalités. C'est que dans le concret, dans la vie pratique, quand tu as 30 élèves devant toi, forcément... Il y a des moments où ils vont devoir travailler tout seuls, même en cours. Et du coup, bah, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui savent travailler tout seuls. C'est ça. À qui on a appris. Qui ont les manières de faire. Et du coup, les autres, bah, on essaye de passer du temps avec eux. Mais ça demande du temps. Et il faudrait avoir des temps spécifiques avec eux plus. Quoi. Et puis, je ne sais pas comment c'est dans ton collège à toi. Est-ce que... en tout cas, nous, c'est comme ça. Je trouve qu'on a de plus en plus d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est des élèves qui ont des plans d'accompagnement ou des notifications MDPH, ont des troubles, TDAH, TSA, HPI, tout ce que tu veux. Et on en a de plus en plus parce que de toute façon, les IME, les ITEP, tout est saturé. Il y a plus de place. Attends, faut expliquer les IME et tout ça. Alors, l'acronyme, je ne peux pas te dire. Institut médico-éducatif, je crois, IME. ITEP, je ne sais plus, mais en gros, c'est des instituts spécialisés pour les élèves qui ont soit des troubles cognitifs ou des troubles du comportement. D'accord. Donc, ces établissements-là sont souvent saturés. Ouais. Et donc, il faut quand même que les élèves soient scolarisés. Et donc, ils ont le droit à la scolarisation comme tout le monde. Donc, c'est là dont tu parlais d'inclusion dans l'article. Ça m'en tire rien. Voilà. Donc, ça m'a fait un petit peu sourire parce qu'effectivement, l'inclusion, c'est bien. Mais en tout cas, nous, au collège, là, on voit vraiment que l'inclusion a ses limites, puisque quand tu es dans une classe et qu'il y a 7 élèves qui ont une notification MDPH, donc qui sont reconnus comme étant personnes handicapées, je peux t'assurer que pour le prof, c'est ingérable. Ouais. En tout cas, tout dépend du handicap. Non. Ils ne sont pas formés pour ça. Nous non plus. Et donc, il y a des choses comme par exemple des enfants autistes à gérer. C'est très compliqué, puisque quand ils font des crises, des choses comme ça, même vis-à-vis des autres élèves. On adapte forcément les punitions qu'on donne parce que c'est des élèves avec des troubles. Donc même vis-à-vis des autres élèves, là pour le coup, au niveau égalité, il faut expliquer pourquoi lui a le droit, entre guillemets, de s'énerver, de taper et d'insulter et toi, t'as pas le droit de le faire. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte parce que c'est de plus en plus... en tout cas, moi, chaque année, j'en ai plus. Voilà, dans les sixièmes qui arrivent, j'en ai toujours plus. Ouais, donc ça, faut les... Et c'est très compliqué. Et c'est des réunions à faire pour les profs, en tout cas les profs principaux, à côté, pour préparer ces plans. Donc ça prend du temps. Ça prend plus de temps, il faut prévoir plus de temps. En tout cas, il va falloir réformer forcément un moment ou l'autre. Et là, on arrive... dans les limites de l'inclusion, parce qu'on n'est pas formé à recevoir des élèves... Même en présence d'AVS... On en a des AESH, mais il n'y en a pas beaucoup. On en manque, en tout cas, là, c'est des accompagnateurs pour les personnes en situation de handicap. Voilà, exactement. Et donc, on en a, mais elles ne couvrent pas tous les besoins. Souvent, elles sont réparties sur les écoles primaires et sur le collège. Donc, moi, par exemple, il y en a qui viennent le matin et puis l'après-midi, elles vont en école. Et je connais quelqu'un qui, de base, était affecté à un seul élève et au final, s'est retrouvé à faire deux élèves au sein du... Ah oui, moi, il y en a une, là, elle en a trois dans la même classe. Ouais, donc, c'est compliqué, finalement. Voilà. C'est un peu... comment... Déjà, à côté de qui tu choisis de t'asseoir quand on a trois. Enfin, ouais, c'est vrai. C'est des choses comme ça auxquelles il faut penser, mais... C'est plein de petits détails qui font qu'au bout d'un moment, on est c'est dans les gérable. Limites de ce qu'on peut faire. Donc on essaye, on fait ce qu'on peut. De toute façon, on doit les accueillir, donc on les accueille. Oui. Mais pour les enseignants, c'est assez compliqué parce qu'ils ne sont pas formés, nous non plus. Et par rapport à la socialisation, etc., avec les autres, c'est parfois compliqué. Ouais. Est-ce que les enfants qui ne sont pas atteints d'un handicap l'acceptent ou... Souvent, ils le comprennent quand même. Ouais, quand même. Moi, ça se passe... Dans l'établissement où je suis, ça se passe quand même bien. Ouais. Il y a des moments où j'en ai qui pètent des plombs parce qu'ils en ont marre de se faire insulter par le même élève sans raison depuis trois jours non-stop. Voilà, donc au bout d'un moment, ils ont envie de le coller au mur. Après, la question, c'est leur place, elle n'est pas forcément là ou pas. Parce qu'en même temps, ça permet aussi... Même pour ces élèves-là, c'est une vraie souffrance d'être à l'école, en école ordinaire parce que au niveau de l'estime de soi, c'est une catastrophe. Enfin, ils savent très bien qu'ils sont différents des autres. Ouais. Et on ne les met pas en réussite. Oui, c'est ça. On ne les met pas du tout. Alors, on essaye de leur faire des choses adaptées. Mais moi, j'ai des élèves là, qui arrivent en sixième. J'en ai une là, elle ne sait pas lire, pas écrire. Voilà, elle ne sait pas lire, pas écrire. Donc, elle relève d'une notification ITEP, donc d'un établissement spécialisé. Et on n'a pas de, il y a pas de place, donc elle est avec nous, mais elle ne sait pas lire et pas écrire. Donc à gérer, c'est très compliqué. C'est compliqué. T'as rencontré des cas comme ça, toi, Sarah ? Oui. Et effectivement, ça pose un peu la question de l'égalité dans le cours, parce que forcément, quand t'as des élèves qui ont besoin de plus d'attention, tu leur en donnes plus. Oui. Mais en même temps, que s'il est vraiment pas apte, par exemple, si c'est pas lire écrire, c'est quand même compliqué ensuite de... De les suivre, par rapport aux autres qui ont des difficultés auxquelles tu peux remédier. Oui, c'est ça. Et puis, tu peux pas te dédoubler. Ouais. Et ça devient compliqué. Nous, dans notre établissement, il y a une élève, qui est allergique ou... Enfin, qui ne supporte pas le papier. Donc, d'accord. Tu dois appliquer. Ouais, là, c'est compliqué, là. Mais t'imagines, t'es dans ton cours et tu dois tout adapter pour ça, donc... Et comme elle dit, là, on n'est pas formé à ce genre de choses. Ouais. Donc, en fait, on se forme sur le tas. Mais forcément, l'élève, il a empathie parce que on construit avec lui. Mais on a 29 autres élèves aussi. Oui, c'est ça. Quoi. Donc, comment avec faire tous des situations de 10 ou de machin. Et donc, chacun demande une attention un peu particulière. Oui, c'est ça. Effectivement. Puis la rentrée, on a une période de rentrée. Oui, c'est donc c'est compliqué. Encore on plus... On découvre nos élèves, on découvre leurs troubles. Donc, il faut s'adapter. Intense. Ouais. Et toi, Chloé, est-ce que dans le cadre de ton accompagnement, tu as des personnes, soit en situation de handicap, comment ça se passe pour eux par rapport aux autres ? Ou est-ce que ça va chez toi ? On a beaucoup de dyscalculie, dyslexie. Alors ça, on leur demande dès l'admission. Ouais. Parce qu'on doit le savoir et on doit même pour le en informer les formateurs aussi. Sauf qu'il y en a beaucoup par peut-être honte ou ego qui ne veulent pas jouir de leur tiers-temps. Okay, donc on est vraiment là à les prendre indépendamment en disant vous avez le droit à un tiers-temps, il faut le prendre, il faut vous faire suivre par une orthophoniste. Ça, c'est vraiment notre bataille parce qu'on a aussi envie qu'ils réussissent et ils ont ce droit-là. Donc, ils veulent pas le... Souvent, par peur ils n'ont pas envie de subir une discrimination ou quoi que ce soit. Donc on essaye au maximum de les accompagner, mais ils sont majeurs. Ouais. Au bout d'un moment, s'ils ne veulent pas être suivis, ils ne sont pas suivis. C'est aussi à eux de... C'est ça. Mais ils sont encore jeunes, donc c'est aussi difficile pour eux d'assumer ce handicap. Mais ça me permet de basculer sur la dernière question, donc la question juridique. Est-ce que le cadre légal actuel est une vraie garantie à l'accès à l'éducation et à l'égalité ? Donc, on en a déjà un peu parlé, mais donc, vous considérez que pas forcément, même si l'article L111 le prévoit. Mais est-ce que, selon vous, il y a quand même des mesures d'accompagnement, au moins externes à l'école, qui permettent de corriger ces inégalités sociales ou la reproduction sociale de... L'école, par exemple, par les MJC ou par le périscolaire ou par... Est-ce que, selon vous, ça existe ? Est-ce que vous en avez connaissance déjà ? de l'aide aux devoirs ou tout en ça. En dehors de l'école, tu parles? Ouais, enfin, comment dire, quand je dis en dehors de l'école, ça peut être par exemple l'UNSS, ça peut être l'aide aux devoirs des personnes qui se... Je sais que par exemple, nous, à la... Bon, là, je parle des études supérieures, mais ça compte quand même. Quand j'étais à la fac de droit, on pouvait avoir des tuteurs, par exemple. J'imagine, Chloé, toi, t'as ça, enfin, peut-être. Oui, et puis ils font déjà appel à des organismes externes à l'école, en fait. Okay. Ils sont accompagnés sur les différents sujets, les différentes matières. Donc, en dehors des professeurs. En dehors des professeurs. D'accord. Il y en a, ils ont spontanément... voilà, ils sont spontanément tournés vers un organisme, okay. Voire même pour l'alternance aussi. Ils doublent leur chance et ils sont accompagnés de même, du coup. Pôle emploi. Okay. Voilà, vous ne vous proposez pas. C'est-à-dire... Est-ce que vous proposez d'autres aides sur l'apprentissage, non. Ouais, non. Malheureusement, non. Ouais. Nous, on intervient après, juste c'est sur pas la, votre voilà. mission non plus. Donc. Voilà, c'est ça. Donc, bon. Mais le BTS, est-ce que tu es au courant si jamais ils proposent... Non, alors en fait le BTS c'est tellement cadré, c'est éducation ouais, nationale, il y a un référentiel. Pour le coup, même les supports sont en ligne, donc ouais, c'est vrai qu'ils sollicitent leurs formateurs. Ouais. Nous, notre maître mot c'est vraiment solliciter vos formateurs ouais, pour être pour l'accompagnement. Et vous? Alors après, on a quand même. Il y a quand même... Donc au collège. C'est quand même... L'accès à l'égalité est quand même garanti puisque tout le monde a le droit d'accéder à l'école oui. laïque de manière gratuite. Mais ce qui... L'égalité, c'est vraiment donner la même chose à tout le monde. Ouais. Voilà, donc les mêmes chances. Et là, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on adapte en fait les moyens et l'accompagnement pour que tout le monde puisse sortir de l'école au même niveau. Mais ouais. ça, pour l'instant, évidemment qu'il y a des choses qui ont tenté d'être mises en place. Je pense par exemple à Devoir fait en sixième. Donc nous, on l'a... Enfin, Devoir fait, c'est pour le collège de manière générale, mais nous, on l'a rendu obligatoire pour les élèves c'est de sixième. C'est quoi Devoir fait? Donc en fait, c'est une heure supplémentaire dans la semaine mmh. Où chaque élève va par petits groupes faire... Alors, au premier abord, tu penses à faire tes devoirs, voilà. Mmh. Et donc, il y a un enseignant qui est là, ou même un assistant d'éducation, enfin voilà, peu importe, pour t'accompagner et t'aider si tu as des difficultés par rapport à ça. Oui. Mais cette année, nous, on a une prof qui a fait les choses un peu différemment et je trouve ça très intéressant. Elle a prévu des séances pour les élèves de 6e au début. Et donc, les premières séances de devoirs faits ne sont pas faites pour faire les devoirs, mais sont faites, par exemple, pour expliquer... comment accéder à un ordinateur, tu vois, ouais. comment utiliser les codes, etc. Voilà, il y a d'autres séances, c'est comment on apprend une leçon. Ouais, c'est un peu la méthodologie. Voilà. De... Et donc ça, tu le réapprends à tout le monde, même à des élèves qui savent déjà oui. le faire, mais du coup, tu l'apprends aussi à des élèves qui ne savent pas le faire. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça remet un petit peu, entre guillemets, tout le monde oui. sur le même pied d'égalité c'est par ça. Rapport à ça. Puis ça donne des clés. Mais ils ont aussi tenté depuis l'an passé, alors ça, ce n'est que mon avis... personnel, de mettre en place des groupes de besoins pour la 6e et la 5e, ouais. en français et en mathématiques. Groupes de besoins qui ne sont autres que, je vais le dire comme ça, des groupes de niveau, clairement. Ouais. Et donc, il y a des groupes où les gamins ont tous 18 de moyenne. Il y a des groupes où les gamins sont moyens, moyens ouais. plus. Et il y a des groupes où les gamins sont complètement en difficulté. Ouais. Et donc, par exemple, tu te retrouves dans le groupe avec tous les gamins qui sont en décrochage ouais. scolaire, donc qui potentiellement font le bazar en cours parce oui. que, bah, ils s'ennuient et l'école, ça ne les intéresse pas. Ouais. Et tous les élèves à besoins éducatifs particuliers qui ont des grosses difficultés scolaires. Ouais. Donc, tout le monde là se retrouve dans le même groupe et tu es censé, du coup, les aider à retrouver un niveau... comme les autres, sauf et que du coup... Je rajouterais un groupe autant en effectif, avec le même effectif que les ah autres. Ouais. ouais, voilà. Bah, nous, on a réussi à faire un tout petit... Le groupe est un peu plus petit. Mais du coup, ils sont tous censés, en plus, avancer à la même vitesse. Voilà. Ouais. Ah oui, donc c'est compliqué, là. C'est complètement incohérent. Mais bah ce oui, n'est parce que mon avis. Ceux qui ont déjà un bon niveau, parce que ils et on les stigmatise. Les codes, oui. On les stigmatise, en fait, clairement. Oui, même si on appelle ça groupe de besoin et que, voilà, t'es dans le groupe A, B, C ou D, oui, c'est tu sais très bien que si t'es dans le groupe D, c'est que t'es pas bon. Ouais. Voilà. Donc ouais, après, il y en a qui sont dans le groupe D en maths et dans le groupe A en français. Tu vois, chacun ses facilités, oui, etc. mais souvent, ceux qui sont dans le groupe A, ils sont quand même dans tous les groupes A. Quand même. Souvent. Donc ça, c'est assez stigmatisant. Donc oui, ils ont essayé de mettre ça en place pour faire les choses correctement, mais moi je trouve que pour les gamins c'est une catastrophe, hein. Et pour les enseignants aussi du coup, parce que quand t'as le groupe D, bon courage pour faire cours à 19 gamins qui sont soit tous en décrochage ou soit tous en grosses difficultés scolaires. Et puis les difficultés sont très variables. Oui, ça, tu le vis, toi, Sarah ? Savoir lire, et ça peut être juste pas... Le comportement, après, ça peut être... Le comportement, oui. Tu le vis, toi, Sarah ? Ça se passe Moi, dans mon collège, c'est pareil. Les enseignants sont tous défavorables au groupe de besoins, surtout que ça crée des contraintes très compliquées en termes d'emploi du temps. Et ils avancent pas tous au même rythme. Enfin, c'est pas possible, non, en fait. C'est pas possible. Et c'est pas logique. Coup, après, en quatrième, ils se retrouvent tous mélangés. Et du coup, il y en a qui ont été loin et d'autres qui ont été moins loin. Mais complètement. C'est un peu compliqué. Mais voilà, ils essayent de mettre des petites choses en place pour gommer un petit peu ces inégalités qu'il peut y avoir et ces grosses disparités de niveau. Ouais. Après, on a quand même des évaluations nationales en sixième et en quatrième pour réévaluer le niveau au fur et à mesure. Maintenant, même en cinquième depuis cette année. Mais en fait, il faudrait investir dans d'autres choses, et notamment dans des moyens humains. Dans les moyens humains, faire des plus petites classes, valoriser le métier de professeur, et même créer peut-être des métiers comme Chloé, mais à l'échelle collège ou lycée, peut-être plus des accompagnateurs aussi, tu vois. Moi, je fais un peu le boulot de Mais collège. Finalement, toi, tu as plusieurs casquettes. Oui, mais puis elle est toute seule pour un collège antique. Ouais. Alors après, moi, c'est un petit collège. Donc j'ai de la chance parce que. Des fois, il y a deux conseillères. Ouais, pour les gros collèges. Je partage 400 élèves chacun. Voilà. Ouais. Mais là, moi, j'en ai 300 et je suis seule, enfin, un peu moins de 300, mais j'ai des petites classes. Oui. Au max, ils sont 25. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt l'avantage qu'on a. Mais bon. Parce que t'as aussi la casquette administrative, t'as aussi la casquette responsable des... Il n'y a pas d'adjoint dans mon collège, donc je fais un peu office d'adjoint aussi en temps. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Faut investir. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour la fin ou pas ? Moi, j'aimerais juste parler du fait que... On n'en a pas parlé, mais les élèves sont vachement bassinés par le mot du mérite. Ouais. Et moi, ça m'a choquée cette année. J'ai une principale qui est venue faire un tour dans toutes les classes pour se présenter à la rentrée. Et il a eu un discours. En même temps, je le comprends, c'est pour motiver les élèves et je pense que c'est important de le faire. Mais dans son discours, c'était « Vous avez tous le même cerveau. » Donc ceux qui arrivent... Ça, c'est faux déjà, mais oui. Ouais. Wow. Non, mais voilà. Et oui, du coup, il a plus ou moins. Il voulait le dire, l'égalité. Ceux qui arrivent, c'est ceux qui travaillent et ceux qui n'arrivent pas, c'est ceux qui ne travaillent pas. Ouf. Et moi, j'étais à côté et ça m'a vraiment fait mal au cœur d'entendre ça parce que déjà, on sait que ce n'est pas vrai. Ouais. Je pense que même lui, il doit savoir au fond que ce n'est pas vrai parce qu'il était prof avant d'être principal, il est prof. Donc, il est au courant un peu de ces choses-là. Mais je trouve ça horrible pour un élève qui, un élève qui se donne à fond parce qu'en plus, ce n'est pas vrai. Des fois, il y a des élèves qui travaillent énormément et qui n'arrivent pas juste parce qu'ils n'ont pas les méthodes. Mais ils n'ont pas les méthodes. Et du coup, je trouve que bassiner les élèves avec le mérite en disant celui qui arrive, c'est celui qui est méritant et celui qui n'arrive pas, c'est celui qui n'est pas méritant, je trouve que c'est un peu les mettre dans des cases et justement leur... Se dire que c'est fataliste et... Oui, voilà. Sachant qu'en plus, j'ai vu dans un podcast récemment que le mérite, c'était une invention, enfin c'est une notion inventée par la bourgeoisie à la Révolution qui fait croire qu'en fait... on peut s'en sortir dès lors qu'on travaille, mais en fait, en effet, eux si avaient déjà des moyens. On n'a pas la bonne méthode. C'est ça. Voilà. Et qu'on ne part pas du même... pied d'égalité. Voilà. On n'est pas tous dans la même... Mais souvent, donc les personnes qui naissent dans une famille qui permettent facilement l'accès donc, à l'éducation, souvent, justement, on valorise le fait qu'eux, ils ont travaillé, qu'ils ont suivi des études, et donc, c'est le mérite. Ils méritent leur diplôme, mais il faut savoir que d'autres personnes ont rencontré plus de difficultés, peut-être. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis, peut-être, mais pour moi, c'est une réalité sociale. Oui, voilà, si tu pars avec 10 mètres d'avance sur la ligne de départ, c'est facile de mériter la médaille. Oui, c'est belle métaphore. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou pas ? Non. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, je vous dis à bientôt dans Paroles de comptoir.